de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Que la circonférence est fière d'avoir deux pierres, que le cercle est heureux d'avoir Pierre II. J'ai appris cette formule de géométrie en cinquième. Je ne l'ai jamais oubliée et j'ai longtemps essayé d'en inventer de comparables pour la physique. Mais ces grands principes ne se laissent pas aussi aisément prendre à des vers de Mirliton, bien mémorisables, que le fameux E égale MC2 d'Einstein. Puisque, pour bien définir l'énergie, il suffit que l'on multiplie la masse par la célérité de la lumière mise au carré. J'ai donc dû me résigner à des développements plus longs et justifiant l'emploi d'une métrique assez stricte, persuadé qu'un rapport, même s'il est de pure surface, existe entre la justesse d'un verre et la pertinence d'une équation. Ainsi Jacques Reda présentait-il son projet poétique dans le préambule du premier volume de son recueil « La physique amusante » paru en 2009 chez Gallimard. Trois autres suivirent, publiés 2, 4 et 6 ans plus tard. À l'occasion de la parution du troisième tome, il était l'invité d'Antoine Perrault pour un volet de Tire ta langue, diffusé pour la première fois sur France Culture le 28 décembre 2014. Ah non, attends, j'ai oublié un truc. Qu'est-ce que c'était? Ça paraît des mots, mais c'était pas des mots. De toute évidence, Adam invente alors l'hébreu. Avec la langue. Je pensais que vous disiez que nous parlions en japonais. Avec la langue. Oh, j'ai sur le bout de la langue, ça m'énerve. Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par Laetitia Coya. Alors avant, Babel, le langage véritable de Dieu et d'Adam est le chinois. Linguam nostram, in qua nati sumus. Mon métier de linguiste n'est ni de me faire le chantre d'une langue commune, en l'occurrence l'anglo-américain, ni de faire entendre des accents de Cassandre, d'être une Cassandre à cocarde. Avoir sa propre langue comme un trésor et pas comme une prison. Le poète Jacques Reda s'est mis à la physique sans se presser. L'année de ses 80 ans, en 2009, il publiait « La physique amusante ». Quel parcours de la part du petit élève de 5e, devenu interne en province, à Évreux plus précisément, durant la guerre, que son professeur de mathématiques d'alors, le père Danton, appelait du nom du lycée parisien que l'enfant avait dû abandonner pour cause d'occupation nazie. Condorcet au tableau. J'ai le souvenir de vous avoir entendu raconter cette anecdote, Jacques Reda, le samedi 2 février 2013, au Petit Palais à Paris, où la Maison des écrivains et de la littérature vous avait convié à dialoguer avec l'oulipien Hervé Le Tellier sur le thème « Littérature et science, les logiques de l'imaginaire ». Je m'étais dit ce jour-là que si le titre de « Prince des poètes » était toujours conféré, avec le même sérieux professionnel qui valut à Stéphane Mallarmé ou à Paul Fort d'être ainsi élu, cet honneur expérimental vous irait comme un gant. Vous seriez aujourd'hui notre prince des poètes. Prince doté d'une corde scientifique à sa lyre, dans la lignée de Lucrèce, mais aussi de Hugo, ou plus récemment de Francis Ponge, qui, sous couvert d'un texte sur l'électricité, se lançait au milieu du XXe siècle dans un manifeste en faveur de la poésie scientifique. N'oublions pas non plus Raymond Queneau, Guy Vic ou Roger Caillois. Bref, toute cette veine et cette inspiration dans l'angle mort des commentateurs, médiateurs et passeurs dont l'inculture scientifique s'avère phénoménale sans être forcément notoire, votre serviteur fait volontiers amende honorable à ce propos. La physique amusante connut un deuxième volume en 2012, Lettre aux physiciens, et voici que paraît, toujours dans la blanche des éditions Gallimard, la physique amusante 3, composée de La nébuleuse du songe, suivie de Voix de contournement. Vous continuez en alexandrin de musarder dans le temps et l'espace. Pardon, je viens d'enchaîner 2 décasyllabes. Paul Valéry pensait que c'était le premier vers qui compte. culte et que ce qui suivait devait se montrer digne de cette inspiration première. Voici le premier vers du cinquième poème de Voix de contournement, le cerveau contenu dans sa boîte crânienne. On retrouve Paul Valéry et son fameux maître cerveau sur son homme perché. Mais revenons à vous, Jacques Reda. En quoi ce premier vers répond-il à une force d'attraction ou répand-il une force d'attraction à laquelle viendra s'agréger tout ce qui devra s'en suivre? Je lis. Le cerveau contenu dans sa boîte crânienne trouve en soi l'étendue à laquelle les os imposent une borne encore cro-magnonienne et se tisse à l'étroit d'innombrables réseaux. Jacques Reda. Oui, en effet, ça démarre comme ça. Ce que Valéry dit, c'est que le premier vers est donné. Et qu'ensuite, ensuite on se débrouille avec les moyens du bord, de la technique, de l'astuce, tous les moyens dont il faut bien reconnaître qu'ils ne sont pas tous éthérés. C'est vraiment un travail d'artisan que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Et on tire sur le fil, ensuite. Je crois que le premier vers, au sens de Valéry, nous est donné, mais nous est donné aussi par une des parcs, vous savez, celle qui file. Et on attrape le bout du fil et ensuite on tire, et quelquefois il casse, et quelquefois on raccommode, on fait un nœud qui tient plus ou moins bien. Enfin, ça se passe pas toujours de façon idéale, mais c'est ainsi que les choses se passent quand on écrit en vers ou qu'on écrive en prose. D'ailleurs, je crois que la chose est transférable à cet autre mode d'expression, le mode d'expression de versifier, simplement une affaire de technique aussi. Ça s'apprend. C'est comme le solfège. Mais Jacques Reda, et se tisse à l'étroit d'innombrables réseaux. Cet alexandrin, je le trouve magnifique parce que on ne s'imagine pas à l'étroit d'innombrables réseaux. Donc il y a une sorte d'antonyme volontaire, ou au contraire, est-ce que vous vous sentez à l'étroit d'innombrables réseaux? Ah oui, quand on est pris dans des réseaux qui soient en nombre réduit ou innombrable, on est quand même pris. Et c'est d'ailleurs de plus en plus le cas de l'humanité et de ses progrès technologiques fabuleux et dont tout le monde s'enthousiasme de façon un peu légère, à mon avis, parce que ça nous conduit tout simplement à être ligotés bientôt et à être nos propres esclaves et l'esclave de ce qu'on invente. Ah oui, alors parce que nous sommes nombreux, mais sans doute naïfs, à voir dans les réseaux des sortes de chemins de la liberté, alors que vous les voyez comme des rêves, vous, Jacques Reda? Tout est toujours ambigu, pour ne pas dire équivoque, et oui, au sens où tout a un côté négatif et tout a un côté positif. Donc, nous avons commencé par le cerveau, et je pense à un poète que j'aimais beaucoup, Henri Pichette, qui parfois se boyautait avec des mots un peu curieux, et je me souviens, il disait « Sartre, le cerveau, Beauvoir, la cervelle ». Et après le cerveau, oui, ça, c'était... j'ai trouvé une cervelle chez vous. C'est dans le tome numéro 2, « Lettre au physicien, la physique amusante ». Attendu que ma cervelle, auberge espagnole, l'héberge par une affinité naturelle entre creux, je porte sur le vide un regard qui diverge de celui du savant modeste et rigoureux. Donc là, on a la cervelle, je plaisantais, mais on a surtout votre art poétique. Peut-être, oui. Enfin, la différence entre cerveau et cervelle, c'est qu'on a besoin d'un terme comme cerveau qui a deux syllabes et d'un terme qui n'a lui-même que deux syllabes, mais qui permet l'enchaînement et qui évite le hiatus. Moi, je suis assez strict sur j'observe les règles de la versification comme au XVIIe siècle, sûrement Boileau y trouverait beaucoup à redire, mais je pense que si on observe les règles de la prosodie française, il faut les observer aussi strictement que possible. Je me permets des licences, quelquefois dans la rime, je fais, j'ai jamais trouvé de rime à meuble. Si vous en trouvez une, je l'accepte avec plaisir. Alors j'ai fait rimer meuble avec insoluble. C'est limite, c'est vraiment limite, comme on dit. Mais la césure, par exemple, j'évite les césures impaires de 5, 7 syllabes ou 7, 5. C'est toujours une césure à 4, 8, 8, 4, et le plus souvent possible, 6, 6, sur le mode le plus racinien qui soit. L'alexandrin, vous en expliquez dans votre premier tome de 2009, La physique amusante, Jacques Reda. Un des premiers poèmes, Rêverie, étale dans l'espace ou prise dans un drain, la substance du temps s'écoule tout entière à travers l'épaisseur sans fond de la matière et ne réchigne pas devant l'alexandrin. Chaque fois que j'entame une nouvelle strophe, c'est lui qui tient ma main et guide le crayon, il emprunte le vers comme un lièvre, un lion, le poème se taille à même son étoffe. Donc, et ne réchigne pas devant l'alexandrin. Non, je pense que même il faut presque aller plus loin. Ce que j'ai écrit dans ces trois livres, je n'aurais pas pu l'écrire en prose. Je ne suis pas un scientifique, encore moins un scientifique d'expérimentation, de laboratoire. Mais mon instrument, c'est ça, c'est le vers français. Je peux réfléchir à tout ce qui est présent dans la physique amusante, qui est amusante quelquefois de moins en moins, mais je ne peux avancer que si je réfléchis sur ce mode de l'alexandrin. C'est mon outil, et je pense que j'ai toujours pensé d'ailleurs que la langue en général. Et la langue, quand elle est dominée, maîtrisée, comme dans la prosodie un peu stricte, en sait plus que nous. Je pense que je crois avoir cette expérience que quand on commence un poème, la fin est déjà contenue dans le commencement. Exactement comme dans la fin de ce qu'on appelle notre univers. Qui n'est pas le seul, et par conséquent, le problème reste ouvert, que la fin de l'univers tel qu'on la présage, sous deux ou trois formules différentes, est contenue dans le commencement, ce qu'on appelait le Big Bang. Jacques Reda, l'outil de l'alexandrin, 12 syllabes, n'est pas le seul outil que vous utilisiez. Vous avez aussi une clé de 7, une clé de 8. Je vais prendre par exemple octosyllabe dans La physique amusante 2, Lettre au physicien. Le concept d'atome remonte à la plus haute antiquité. Le SIP, à ce que l'on raconte, l'a pour ainsi dire inventé. Bon, d'abord, une question. Est-ce que vous avez pensé à Alexandre Vialat, La femme remonte à la plus haute antiquité? Absolument. Alors ça, c'est une de ces phrases qui reste aussi nettement et qui me ravissent autant que certaines pensées de Pascal. Il n'y a pas de doute. Non seulement j'ai pensé, mais j'ai fait exprès. Et pourquoi l'octosyllabe? Est-ce qu'il est plus bondissant, capricant? Pourquoi, à propos de l'atome, là, vous êtes passé? Alors c'est ça, bon, ça c'est énigmatique. Je ne sais pas du tout pourquoi, tout d'un coup, quelque chose commence sous cette forme plutôt que sur ce maître plutôt que sur un autre. Je pratique plutôt les maîtres pairs, hein, le 12, 14, 8. 7, c'est beaucoup plus rare. Ça, c'est un rythme qui gambade un peu. Alors, j'en ai trouvé un, 7. Oui, il y en a. Dans La physique amusante, oui. Le tout premier tome, Les neutrinos. Oui, c'était pas mal pour les neutrinos, parce que c'est une particule particulièrement fugitive. Est-ce que vous pourriez le lire, Jacques Reda, justement? On y va, oui, si vous voulez. Partout dans notre univers, en long, en large, en travers, le neutrino neige. Nulle part il ne s'agrège, toujours à déménager pour neiger. infiltrant par myriades Andromède, les Iades, l'air, le feu, l'eau, le moellon. Des kilomètres de plomb lui sont une promenade, et sa paisible tornade tourbillonne jour et nuit. Sans poids, sans souffle, sans bruit, sans fin, il va comme on flâne dans mes veines sous mon crâne. Subreptice et volatile, d'où vient-il et que fait-il? Il se borne à redescendre comme s'il était la cendre que le bong inaugural laissa dans le vide astral. Et là, donc, dans ce poème, ça gambade sec. Oui, ben c'est ça, c'est le vers de... Mais c'est-à-dire que, en réalité, le thème, si vous voulez, le thème, la façon d'exposer ou de traiter le thème, modifie aussi le rythme, qui peut modifier à son tour ou avant ce qu'on va dire. Par exemple, moi j'aime beaucoup Valéry, et le Palme, ce poème s'appelle même « De sa grâce redoutable, voilà en à peine l'éclat, un ange met sur ma table le pain tendre, les plats ». Ça sautille pas, ça. Il y a une certaine noblesse d'allure, mais ça danse un peu. Et là, c'était un exemple impair, rare, vous l'avez souligné, Jacques Reda, chez vous. Et dans les exemples pairs, vous allez donc jusqu'à 14. Alors, je ne sais pas si on peut parler de tétracaïdécasyllabes. Oui, on peut si, puisque l'alexandrin est un décasyllabe, en effet, là. Et rien n'est plus beau qu'entendre un poète explorer ses propres vers, donc je vais vous demander de lire une strophe, un peu plus peut-être. Ça, je ne suis pas sûr d'être un bon lecteur du tout. Beaux explorateurs du cosmos et du subatomique, je vous ai suivi jusqu'au bord de l'abîme anémique où tout va se perdre en deçà de la longueur de Planck. Je fête vos succès et j'admire les paysages nés sur votre lunette et des calculs et les présages certains que vous tirez des entrailles du corps tremblant de la matière. Atteindrez-vous l'arcane de son âme en voulant rester à l'écart du complot qui s'y trame entre l'illusion, le vide et la réalité? C'est bien, là on a effectivement une vue, on a dans Louis ces vers de 14 syllabes. C'est un peu plus... Ça dépend aussi un peu de ce qu'on a à dire. Quelquefois, plus l'exposé nécessite de fioriture ou d'attendu divers, plus on est quelquefois plus à l'aise, mais pas forcément. Et de toute façon, fréquemment, je vois que je suis tenté de réécrire en alexandrin les choses que j'ai écrites en 14 syllabes, comme ça. Parce que l'alexandrin oblige quand même à une certaine maigreur, une sveltesse un peu. Voilà. Mais on lui reproche sa monotonie. J'étais assez lié avec Henri Méchonic, qui était un grand théoricien du rythme. Et il avait en horreur les rythmes de la contrainte prosodique française. Jusqu'au jour où c'est un peu fâché, parce que il m'avait envoyé un cercueil, et je lui ai répondu, d'abord sur le fond, ça c'est très bien. J'ai dit, mais je comprends pas bien pourquoi tu t'indignes, tu continues à t'indigner contre les rythmes ou les cadences de la poésie française, puisque finalement tu vas à la ligne avant, mais je lui ai remis deux ou trois poèmes qu'il avait écrits sur des maîtres un peu flottants, où les vers, notamment de 7 syllabes, étaient extrêmement présents. Alors, ça l'a un peu refroidi, on a eu une période comme ça. Thank you. par rapport à ce rythme, toujours, vous en revenez, Jacques Reda, oui, à, oui, la, alors je, Alexandrin, je, au point de réécrire... Ça s'est quand même fait. Il y a presque pas loin de 1000 ans que remonte la constitution de l'Alexandrin. C'est pas venu de n'importe où et c'est demeuré au moins de façon régulière jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est demeuré non pas pour des raisons légères. Il y avait vraiment un motif. C'est pourquoi quand on le pratique. Beaucoup de poètes font ça depuis la fin du 19e aussi, font des alexandrins, mais ça rime pas, les rimes masculines sont avec les rimes féminines, etc. Alors je veux bien qu'on fasse rimer une rime plurielle avec une rime au singulier, je me l'interdis par principe, mais enfin bon, j'ai d'autres, ça me gêne pas. Mais l'alternance des rimes féminines et des rimes masculines a une bonne raison, c'est qu'elle brise la prétendue monotonie de l'alexandrin, en sens qu'un vers de 12 syllabes à rime féminine n'est pas un vers de 12 syllabes, c'est un vers de 12 syllabes et demi ou un quart, parce qu'on fait toujours légèrement sentir le muet de la fin. Et ça, c'est très important. Il faut aimer cette prosodie. Alors, je sais bien que le souvenir qu'on en garde pour ce qu'en faisaient nos ancêtres, il demeure que dans quelques enregistrements de comédiens, ou d'Apollinaire d'ailleurs, mais c'est pas des alexandrins, puisque c'est le pont Mirabeau, mais où il y avait toujours une emphase. Le théâtre racinien, à l'époque où il se représentait sur scène, était certainement emphatique, on se trouverait aussi insupportable qu'on trouve moins insupportable, mais où se fait un peu rire quand même en douceur, les grands envolées de Malraux, Jean Moulin et tout ça, c'était une tradition d'éloquence. Mais Jacques Reda, votre amour respectueux se mêle d'une sorte d'alacrité. Vous vous boyautez tout en les écrivant et on le sent dans avant-propos et dédicaces de votre tome qui vient de paraître, le 3 de la physique amusante. Avant-propos et dédicaces, qu'est-ce qu'on lit ? Je tourne donc en rond, ressasseur et fumeux, sur la trace des sauts que d'autres plus fameux accomplir au seuil qui recule à mesure qu'on avance, n'ayant guère d'autre instrument plus précis que le maître à la souple césure et son rythme propice à mon entêtement. Et donc là, vous vous décrivez étant plein d'amour et plein d'ironie. Oui, ça peut aller ensemble, l'ironie et l'amour, oui. Oui, je trouve... Enfin, pour revenir à cette question d'emphase, je pense que le vers régulier résiste très bien à l'abandon de l'emphase, n'est-ce pas ? Il y a des vers qui sont éloquents. Hugo est souvent très éloquent, mais il est remarquable dans l'invective. Et c'est pas, il y a de très beaux alexandrins de Supervielle, par exemple. J'aime beaucoup Supervielle. Mais il y a presque toujours de la poésie. Alors, c'est cette différence à laquelle je tiens. C'est poème, c'est-à-dire versification, et poésie. Je ne tiens pas spécialement à ce que tout le monde a obligé tout le monde, si j'étais ministre de la Culture, de bon, désormais vous êtes poète, vous écrirez selon les canons qui ont été édictés par Boileau il y a bientôt 400 ans. Ou plus, même 5, oui, non oui, oui. Ouais, bon, oui, parce que le je ne sais passe. Plus en quelle année on est. Mais si quelqu'un a quelque chose à dire, elle dit, peu importe le médium, peu importe que ce soit de la prose ou du vers ou quelque chose qu'on peut pas définir, ça n'a aucune importance. Mais à partir du moment où on dit j'écris en vers, c'est stupide de présenter quelque chose qui est comme de la prose purement et simplement découpée un peu n'importe comment, ou alors selon un rythme intérieur dicté par les démons personnels, les poètes. Je veux bien, mais on participe pas forcément. Beaucoup de la poésie depuis je dirais pas un siècle, mais quand même depuis un bon demi-siècle, c'est décrypte-moi. Devine-moi, devine-moi, comme disait une chanson. Alors, est-ce que l'effort en vaut la peine ? Pas toujours, il faut bien le reconnaître. Tandis que le recours à la versification régulière, outre qu'à mon avis, il justifie dans une entreprise comme ça, qui n'est pas une intention de faire de la poésie, comme dit je crois qu'on est poète, que tout le monde est poète jusqu'à un certain âge. Et puis ensuite, bon Dieu, l'élan nécessaire, c'est fatigant d'écrire des vrais poèmes, l'élan nécessaire faiblit, comme chez les athlètes, c'est la même chose. On peut pas, on courra jamais le 400 mètres comme le champion du monde ne courra pas à 60 ans comme il l'a couru à 19 ou à 23 ans. Donc il y a des thèmes qui justifient. Moi je fais pas de la politique. Je veux faire état de ce qu'un Français moyen, je dirais, voilà, oui, un Français moyen de notre époque peut dire, a acquis de connaissances au sujet de quelque chose de quand même très important, qui est la physique, qui nous instruit de l'univers dans lequel on est, se trompe quelquefois, change d'avis aussi, mais voilà ce que je veux dire, et ça je pourrais pas le dire en prose, donc, parce qu'il me semble que ça serait un ouvrage de vulgarisation comme les autres, ouvrage de vulgarisation que je lis. Moi, je suis pas. Ma formation mathématique est totalement débile. Et je suis tout à fait incapable d'avoir un accès direct. D'ailleurs, même les physiciens de métier n'ont pas accès à tous les compartiments aujourd'hui dans lesquels la physique a dû se répartir pour travailler. Donc, il y a cette nécessité de le dire de cette façon. C'est un outil pour moi. Je m'en sers, et il s'inscrit quand même dans une longue tradition. Depuis le XVIe siècle, il y a eu des volumes et des volumes de ce qu'on appelait la poésie scientifique, qui ont paru. D'ailleurs, l'année dernière, ou il y a deux ans, il y a eu une première anthologie de la poésie scientifique, qui était par Marshall. Il y en aura une l'année prochaine, par un universitaire de Toulouse qui est tout à fait remarquable dans ce domaine, Philippe Chometti, une très importante anthologie. Et au XVIe, au XVIIe siècle, et au XVIIIe, un peu moins, ça décline ensuite. Mais là, il y avait vraiment des spécialistes, des gens qui écrivaient 30 000 vers sur la physique de Descartes, par exemple, des choses de ce genre. Bien sûr, c'est un peu ennuyeux, il faut bien le reconnaître. C'est pourquoi, moi, je pense qu'il faut essayer de rendre la physique un peu amusante, mais il y a un moment où on arrive, on se dit, la physique est amusante jusqu'à un certain point. Deux ultimes questions, Jacques Reda, de chacune 12 syllabes. Quel murmure mesurable s'entend dans l'univers ? Pouvons-nous voir en vous l'écouteur des espaces ? Oh non, je ne sais pas. Non, ce serait bien prétentieux de ma part de dire ça. Je suis à l'écoute de ceux qui sont à l'écoute plus direct que moi, c'est-à-dire les astronomes, les spécialistes de la physique quantique, tous ces gens qui travaillent dans divers secteurs, mais en définitive, ils me ramènent tous à des questions qui sont encore plus antique que la physique, et qui reviennent à la physique à l'époque où elle était encore une métaphysique. Empédocle, Héraclite, toutes les théories basées sur le feu, ou sur l'eau, les questions que les physiciens, grands ou peu connus, se posent aussi par force, ou alors, sauf ceux qui font pas attention à ce qu'ils font vraiment, c'est-à-dire, on étudie l'univers, on trouve des choses, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait là? Comment est-ce qu'on est là? Pourquoi? Ce sont toujours les questions immémoriales. Mais je ne suis pas seul, car l'herbe m'accompagne, muettement fidèle à ma fidélité. Elle me laissera battre en paix la campagne quand je perdrai le sens d'être et d'avoir été. Plutôt qu'un de ces blocs de lourd granit imberbe sous lequel à la fin, raide, nous roupillons, j'aimerais pour ma tombe un simple carré d'herbe fleuri par la sauterelle et l'aile des papillons. C'était Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault avec Jacques Reda pour La physique amusante 3, La nébuleuse du songe, suivi de Voix de contournement chez Gallimard. Prise de son, Jean-Michel Bernaud. Réalisation, Laetitia Coya. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter, télécharger, voire commenter en ligne cette émission sur le site de Tire ta langue, niché dans franceculture.fr. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 décembre 2014. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.